French in Action, Lesson 22. Leçon 22. À la recherche d'une invitation. Il est midi à Paris. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Elle chante. La petite souris, où est-elle? À la chapelle, que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour les dames de Paris. Marie-Laure, c'est toi? Va te laver les mains. Dépêche-toi, t'es en retard. Il est midi 5. Robert est seul à la terrasse de la causerie de Lila. Mireille est partie. Elle est allée chez elle pour déjeuner avec papa, maman et la petite sœur. Il est 6h05 du matin à New York et 6h05 du soir à Bombay. Robert a mis sa montre à l'heure française. Il vient de finir son troisième tir. Il appelle le garçon. Monsieur? Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Merci. Robert se lève, entre dans la salle et descend au sous-sol pour téléphoner. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil, sans succès. Il sort de la cabine, il remonte dans la salle, il va à la caisse. Pour téléphoner, s'il vous plaît. Trois francs. Puis-je en avoir un, s'il vous plaît? Voilà, ça fait 2 francs. Robert redescend au sous-sol, entre dans la cabine, essaie encore, et cette fois, ça marche. Allô, madame Courtois? Non, la madame, elle n'est pas là. La madame, elle est sortie. Elle est allée prendre les nouches. Elle n'est pas rentrée. Elle va rentrer tout à l'heure, pour déjeuner. Rappelez vers midi et demi. Ah bon? Merci, merci beaucoup. Je vais rappeler dans une demi-heure. Au revoir, madame. Robert sort de la cabine, toujours suivi par l'étrange homme en noir. Robert revient à sa table. Ça fait combien? 30 et 30, 60 et 15, 75. 75 francs. Les services sont compris? Oui, monsieur, 15%. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Robert marche maintenant le long du boulevard Montparnasse. Puis il regarde sa montre, cherche une cabine téléphonique. Ah, en voilà une. Mais Robert n'a pas l'air de comprendre comment elle marche. Il faut une carte magnétique. Essayez l'autre, elle marche avec des pièces. Vous avez de la monnaie? Robert lui montre une pièce de 10 francs. C'est tout ce que j'ai. Ah non, ça va pas. C'est pour Paris? Oui. Il faut des pièces de 50 centimes, 1 franc ou 5 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Pas du tout. Attendez, je vais voir si j'en ai. Tenez. Merci, au revoir. Et Robert peut enfin téléphoner. Allô, madame Courtois? Ah non, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Madame, c'est le monsieur de tout à l'heure. Allô? Allô, oui? Allô? Bonjour, madame. Allô, j'écoute? Ici Robert Taylor. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Quelle coïncidence! Nous parlions justement de vous hier avec mon mari. Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Depuis hier. Non, oui, enfin... Avant-hier. Je suis arrivé avant-hier. Comment allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Pas trop fatigant, non, avec le décalage horaire? Mon mari qui voyage beaucoup dit que ce qu'il y a de plus dur, c'est le décalage horaire. Moi, je ne voyage pas. Je reste à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Avec Ninou, je ne peux pas voyager. Alors votre maman n'est pas venue. Elle ne vous a pas accompagnée. Elle est toujours en Argentine. Vous savez que ça fait très plaisir. Nous sommes impatients de vous voir. Et je suis sûre que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche, c'est ma chatte. C'est un peu comme notre fille, vous savez. Alors quand venez-vous nous voir? Alors aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Minouche ne va pas très bien. Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Et il faut que je l'amène cet après-midi chez le docteur. Et puis mon mari est absent. Il est en voyage. Il n'est jamais à la maison. Toujours en voyage. Les affaires, vous savez ce que c'est? Je le lui répète tous les jours. Tu devrais faire attention. Tu te fatigues trop. Ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. Je ne l'écoute pas. Il rit. Ah, les hommes. Tous les mêmes. Alors quand? Voyons quand. Après-demain? C'est ça. Je vais vous dîner après-demain, tout simplement. Nous serons si heureux de vous voir. Alors, c'est entendu? Après-demain, disons, 7h30, ça vous va? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. Vous trouverez. Alors nous vous attendons. Au revoir. Et après-demain. N'oubliez pas surtout. Il est 12h45. Robert a faim. Il aperçoit un café-restaurant et s'assied à une table libre. La serveuse sert un jeune homme à côté. Un jambon de poulet et un verre de Beaujolais. Voilà. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Puis Robert continue sa promenade. Il est 1h30. Robert hésite et revient au jardin du Luxembourg. Marie-Laure arrive peu après. Salut. Bonjour. Ça va? Mais alors, ce devoir d'anglais, où est-il? Bon, je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire, on ne fait pas d'anglais, enfin pas vraiment. Je fais de l'anglais, mais je n'ai pas sérieux. On apprend why do you do, why thank you, c'est tout. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici, moi? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? C'était bien la closerie. Qu'est-ce que vous avez bu? Un kir. Ah, une boîte de l'Orangina. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. À ce moment, elle aperçoit un mystérieux homme en noir qui se cache derrière un arbre et les regarde. Vous avez vu ce monsieur là-bas? Tiens, comme c'est bizarre. Vous connaissez? Non. Mais tout à l'heure, à la closerie, je suis allé téléphoner et il est descendu derrière moi. Il est entré dans la cabine à côté. Il est resté pendant que je téléphonais. Il est sorti quand je suis sorti. Il est monté derrière moi. C'est vraiment bizarre. Bizarre.